Donc, quand tu m'entends avec le micro, je peux te dire que ton micro est coupé sur le téléphone, mon micro est coupé sur le téléphone, je parle dans le micro du PC, et donc tu peux commencer à jouer quand tu veux.